C'est déjà commencé. Les débats sont déjà partis. C'est souvent comme ça au 93, ça brasse en dehors et en ondes. Comme à tous les lundis, on reçoit notre collègue Éric Duhaime. Éric, bon matin. Bon matin, Sylvain. On a une bonne nouvelle en partant, là. Ben, vas-y. On a parlé du voyage. Je vous ai entendu. J'ai entendu dans les couloirs que tu serais de la partie. Absolument. Si jamais on récidive avec ça. Peu importe ce que vous faites, je vais être là. Est-ce qu'on doit le faire, selon toi? Ben oui, il faut faire quelque chose. Il faut continuer. Ça encore, a été excellent, le voyage. J'ai écrit un livre là-dessus. Oui. Ça fait des années, moi aussi, que je me bats contre la SAQ. Les Québécois, on se fait avoir royalement à chaque fois qu'on rentre dans une succursale de la SAQ. Moi, je fais tout ce qui est en mon pouvoir aujourd'hui pour éviter de donner encore plus d'argent à la SAQ. Moi, dès que je voyage, jamais que je rentre au pays sans être passé par un duty free, les boutiques hors taxes, pour essayer de prendre le maximum permis par la loi. Quand je vais en Ontario aussi, je reviens avec ma caisse. Quand je peux, j'achète même au dépanneur des vins, le Julia Wine ou les autres, qui sont des vins de qualité, qui sont en vente maintenant dans les dépanneurs. Il y a plein de façons de le faire, mais je pense qu'à un moment donné, le message il va passer. D'ailleurs, ça commence à passer, hein, Sylvain, si tu remarques. Mais moi la aussi, dernière je le année, sens. Oui. C'est la première fois depuis que la SAQ est là, depuis la naissance de la société d'État, où les revenus étaient, les profits étaient à la baisse. C'était pas une grosse baisse, c'était marginal, mais quand même, la tendance haussière a été renversée malgré le fait que la SAQ continue d'augmenter le coût des bouteilles. Hein, on le voit toutes les semaines, ouais, là, ça, ouais. On le sait que ça augmente. Mais c'est une courbe, là. Je sais que ça a un nom, ça, mais moi, je ne suis pas économiste. Là. Mais tu sais, quand on dit trop d'impôts, tu l'impôts. La courbe de l'affaire. Bon, voilà, il y a des auditeurs qui sont plus calés que moi qui m'ont envoyé ça. Quand on a sorti la semaine dernière que les camionneurs vont commencer à se tanker, c'est déjà fait. Là. Le mot d'ordre a été passé. Les camionneurs ne tankent plus au Québec, là, avec la maudite taxe verte qui c'est 4,6 cents pour eux. Check bien à la fin de l'année si ce qu'ils ont récolté à cause de la taxe n'est pas inférieur à toutes les pertes dues au fait que les gens tankent ailleurs. On l'espère. Ben oui. C'est notre façon aussi. Pour nous autres de voter puis d'envoyer un message aux politiciens qui comprennent rien, qui sont bouchés des deux bouts. Mais là, regarde, la SAQ, on se fait voler, on est conscient. C'est plus comme à l'époque où les gens voyagent pas puis ils n'ont pas Internet. Tu n'as même pas besoin de voyager, tu es dans ton salon puis tu cliques pour voir combien ça coûte à l'étranger. Là, tu te dis, est-ce que c'est normal le prix que je paye à la SAQ? Parce que tu penses que tu payes 20, 25, 30 piastres une bouteille, que tu as une bonne bouteille. C'est pas ça pantoute, c'est parce que la SAQ est trop gourmande. Ouais. Je donne des exemples précis. Là. Une bouteille, combien tu penses qu'une bouteille vendue 21,95 sur une tablette de la SAQ vaut pour vrai? Le producteur, il y avait combien à la SAQ? 12. 3,59. Fait que quand t'entends ça, comment tu veux... Toi, là, la bouteille, ouais. Tu penses qu'elle vaut 22$. Tu l'as payé 22$ dans ta tête, elle vaut 22. Mais si t'avais été chez le producteur l'acheter, tu l'aurais payé 3,59. Hey, un matin, là, en une de la presse, ils dénoncent les Shylock. Parce que vous savez que prêter de l'argent, c'est légal. Mais au-delà d'un certain point, ça devient criminel. Et il y a des Shylock, on les appelle comme ça, à la une de la presse, qui chargent des taux d'intérêt de 350%. Et ça, c'est criminel. La bouteille à 3$, ils la vendent 22, là. Elle est à 500%. Si c'était du prêt d'argent, il se fera emprisonner, c'est criminel. Ouais. Donc, effectivement, c'est un peu... Je sais pas pourquoi qu'à la SAQ, on accepte. C'est sûr que c'est une vieille relique là, de la prohibition puis de la religion catholique. Puis il y a de tout ça là-dedans. Là. Ouais. C'est pour ça qu'on accepte que ce produit-là soit vendu de cette façon-là, alors que n'importe quoi d'autre serait vendu comme ça, puis on hurlerait, puis le monde serait dans les rues. Mais la SAQ, on tolère. Mais je pense qu'on est de plus en plus nombreux, comme toi, comme moi, comme les auditeurs qui vont venir avec nous autres, à plus tolérer ça, à dire à un moment donné, là, la coupe déborde, c'est fini, là, vous avez fini de nous voler, puis on va trouver des moyens pour vous contourner la SAQ parce que vous n'êtes pas capable de faire votre job. Puis la semaine passée, c'est pas nouveau là, que les bouteilles en bas de 20$, en bas de 15$, puis en bas de 10$ disparaissent des tablettes de la SAQ. Ça fait quelques années qu'ils ont commencé le processus, puis c'est pas parce que le prix du vin a augmenté, c'est parce qu'ils ont choisi d'aller siphonner plus de taxes, puis c'est plus payant pour eux autres à cause du pourcentage, à cause de la marge qu'ils font sur chaque bouteille. C'est plus payant vendre une bouteille, évidemment, à 20$ qu'à 10$. Fait que c'est pour ça qu'à 10$, il en reste quoi? 15, je pense, 15 sortes sur 11 000 produits, il en reste 15. Puis là-dessus, il y en a qui n'ont pas d'alcool. Fait qu'il en reste plus, là, des bouteilles. Tu vas dans la LCBO, là, au bar. C'est plein. Puis on compare, c'est un monopole d'État, là, aussi, là. Également, l'Ontario se sert de la vente de vin pour financer un peu l'État. Puis je sais que même dans ton livre, tu contestes pas ça, là. Pas nécessairement. Toi, t'en appelles pas à la privatisation à grandeur des SAQ. Mais à la LCBO, des bouteilles à 7$, puis à 8$, il y en a à la tonne. C'est pourquoi on veut récidiver au mois de mars. Je vous ai lancé l'appel ce matin. Parce que moi, je pense que la SAQ, dans ses déclarations, a démontré, je sais pas si c'est hypocrite ou pas, mais une certaine ouverture. Au moins. Mais soit prudent, non, mais, soit prudent. Je sais, mais voilà 5 ans, on n'en parlait pas, Yves, oui, oui. Éric. Alors que là, ton livre, Le Voyage, les chroniques comme ce que Yves Mailloux fait, le Journal de Québec et ça accroche aussi là-dessus, on est une coupe là, à tirer du même bord. Là. Absolument. Il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent et à un moment donné, le message va passer. Puis, ouais. Je pense que, comme tu dis, la meilleure façon pour eux autres de comprendre, c'est quand leur profit commence à baisser. Parce que la SAQ a surveillé toujours de barbe. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a plaidé en cours quand il y a eu des recours collectifs. Elle dit, c'est pas de ma faute. C'est la faute du gouvernement qui me demande de plus en plus d'argent. Puis en quelque part, elle a un peu raison. Le gouvernement prend le citron, puis à tous les ans, il veut le squeezer un peu plus, puis il veut plus de jus. Fait qu'il demande des rendements plus élevés pour avoir plus d'argent dans ses coffres à la fin de l'année pour balancer ses livres. Mais ça, c'est son argument ultime. La SAQ dit « c'est pas de ma faute, c'est la faute du gouvernement ». Mais là, tu sais, ça, c'est un jeu de ping-pong dans lequel le consommateur, il n'y a rien à gagner. Là, que ce soit la faute du gouvernement ou la faute de la SAQ, pour nous autres, c'est la même chose. Là. C'est le gouvernement, c'est un monopole. C'est pas, on n'a rien que l'argent est dans les coffres de l'État ou les coffres de la SAQ, parce que la SAQ est mal gérée aussi, il faut le dire. Là, elle gaspille beaucoup d'argent dans une structure bureaucratique excessivement chère. Puis les services ou à la clientèle sont pas nécessairement au rendez-vous. Tu regardes juste les heures d'ouverture, tu vois bien que ça marche pas. Tu regardes es-tu capable de me nommer, je vais te poser la question. Quelles sont les heures d'ouverture, ou je devrais plutôt dire de fermeture des SAQ à Québec? T'as-tu une idée? La semaine, ça ferme à quelle heure ou le week-end? C'est 5-6 heures. Il n'y en a pas une de pareille. Je l'ai déjà sorti en onde, là. Ça J'avais 10 succursales de la SAQ. Il y en a une qui ferme à 5 heures, l'autre 5h30, l'autre 6 heures, l'autre 6h30, l'autre 19h, l'autre. Je peux te sortir n'importe. Ça a l'air être décidé selon le bon vouloir de. Ce serait quoi de dire 21h que la gang tout le temps? Ou ça va comme ça arrange les employés, j'imagine. Je sais parce pas que la SAQ est gérée pour faire plaisir aux gens de la SAQ plutôt qu'aux clients. C'est ça que le problème des monopoles. Ouais. Et on est pris, nous autres, on est comme des numéros là-dedans. On les dérange quand on va à SAQ. D'ailleurs, on pense, tu sais, les gens se disent souvent, on a des services exceptionnels à la SAQ. Puis là, je ne veux pas remettre en cause le travail des gens qui travaillent là. C'est vrai qu'il y en a qui font d'excellent travail. Oui. Sauf que regarde ce qui se passe depuis 2 ans, ils ont réduit, je pense, de 20% les heures des gens qui vous conseillent quand vous allez à la SAQ. Pourquoi ils ont mis, tu penses, des pastilles de goût en dessous des bouteilles? C'est pas parce que ça fait beau, c'est pas parce qu'ils veulent vous aider, c'est parce qu'ils veulent que ça coûte moins cher en conseil 20. Ils veulent plus que vous alliez achaler le gars qui est là pour lui demander qu'est-ce qui serait bon à soir avec mon petit steak que je suis en train de me faire cuire. Ils veulent plus ça. Ils veulent que tu saches ta couleur, ta pastille, puis tu promènes, puis tu regardes tes pastilles, puis tu t'en vas avec ça. Fait qu'il y a pas, même le service, on est rendu qu'ils sont en train de couper là-dedans pour essayer de faire encore plus d'argent. Fait qu'ultimement, on va être perdant sur tous les tableaux. C'est ça qui est en train de se passer. Alors, on va continuer à se battre. On va continuer à se battre. Si on va être là. Prêts, on là, s'en t'as va pas de date encore, puis on sait pas exactement où est-ce qu'on s'en va, mais c'est pas grave. J'achète mon billet. Je vais demain. Moi, je vais. On passe à nowhere. Je fais une étude de marché. Okay. On check ça. On fait ça en ondes en direct. On va monter ça comme la dernière fois. Tu veux me parler des mosquées? Oui. La une du Journal de Québec. Les islamistes sont parmi nous. Écoute, tu sais, Sylvain, j'ai habité dans le monde arabo-musulman pendant quelques années. Ouais. Je sais pas s'il faut un peu. Je sais, tantôt, tu t'entendais aussi dire, je t'annais de me faire associer, de dire, c'est pas tous les musulmans. Puis bon, d'abord, il faut comprendre qu'effectivement, la religion musulmane, puis les Arabes aussi, on mélange souvent, il y a des amalgames qui se font à ce niveau-là aussi. Puis c'est sûr que la religion musulmane est présente dans plusieurs pays qui ont rien, que c'est pas des pays arabes du tout. Là. D'ailleurs, le plus gros pays, le plus important en termes de nombre de musulmans dans le monde, c'est pas un pays arabe. C'est l'Indonésie, c'est en Asie, ça n'a rien à voir avec le monde arabe. Donc, il y a beaucoup de confusion présentement qui règne. Sauf que le dénominateur commun, c'est que, puis on peut pas en faire abstraction, là. Ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, ce qui s'est passé à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce qui s'est passé à la Chambre des communes il y a quelques mois, bien, il y a un dénominateur commun, c'est qu'il y a des gens qui font ça au nom d'une religion. Ouais. Puis je sais que ça dérange, les gens me disent, pourquoi tu dis pas que c'est l'œuvre de fou, plutôt que dire que c'est l'œuvre de fou d'Allah? Bien, parce qu'on va nommer les choses, puis je pense pas qu'on rend service à personne en se baïonnant puis en se censurant là-dedans. Et là, ce matin, ce qu'on apprend, la nouvelle, c'est qu'effectivement, les islamistes sont en train de s'installer. Puis là, on parle pas à Paris, on parle pas en Arabie Saoudite, on parle pas en Algérie, on parle pas en Asie, là. On parle ici, chez nous, la au rue de Québec, la Couronne, la rue de la Québec, Couronne. À là, Québec. Dans Saint-Roch, ils sont rendus là. Là et là, ils investissent dans des mosquées, ils investissent dans des écoles. Notre propre ministère de l'Éducation investit 5 millions de dollars de votre argent dans des écoles qui sont financées ou qui sont en lien avec des organisations terroristes. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais perdre tout le monde, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que l'islam radical, il n'est pas ailleurs, il est chez nous, c'est notre voisin. Il y a une menace. Et ce n'est pas faire du profilage, puis c'est pas manquer de respect aux musulmans que de dire qu'il y a un problème. C'est pas en se mettant la tête six pieds dans le sable, comme certains politiciens le proposent aujourd'hui, qu'on va le régler, le problème. Qu'est-ce qu'on... Ce matin, je posais un peu la question. Je sais qu'elle est difficile, mais admettons que ces gens-là sont des islamistes. Ils prônent des valeurs totalement à l'encontre de notre société, mais ils n'ont pas encore battu personne, ils n'ont pas mis de bombe, ils n'ont pas fait de complot. Je peux pas les foutre en prison. Mais ils sont là, dans leur mosquée à Québec ou ailleurs, à tous les jours, à dire que la charia doit être appliquée, que l'égalité homme-femme, ça compte pas. On fait quoi avec d'abord, ça, la première chose, là, on arrête de jouer aux autruches. Quand j'entends, là, comme j'ai vu des reportages il y a quelques semaines en enquête à Radio-Canada nous dit qu'il n'y a pas d'islamistes au Québec, à matin, j'espère qu'ils vont s'acheter un journal de Montréal. Je sais que les gens de Radio-Canada, normalement, s'abaissent pas à toucher les feuilles d'un journal aussi impur et impropre et populaire. Mais quand même, j'espère qu'aujourd'hui, ils vont faire un gros, gros effort puis sortir d'Outremont puis aller se promener dans un petit dépanneur dans l'est de la ville de Montréal pour acheter une copie du journal de Montréal ou de Québec. Ça serait important parce que je veux dire, c'est une réalité. Deuxième chose, moi, j'ai travaillé dans un pays, un royaume islamique. J'ai travaillé au Maroc, hein, où c'est le roi et le commandant des croyants. Au Maroc, il y a un ministère des Affaires islamiques. Le ministère surveille et monitore tout ce qui se dit dans les mosquées et tout ce que les imams font sur le terrain. Il y a même des prêches maintenant qui sont sur écran géant dans les mosquées parce qu'ils veulent un message unique, parce qu'ils veulent plus des fous radicaux qui font la promotion de messages trop radicaux. Sais-tu qu'est-ce qu'ils font, les imams qui sont trop radicaux puis qui sont débiles? Ouais. Ils demandent leur visa puis ils s'en viennent immigrer au Canada, comme c'est souvent le cas. C'est pas moi qui le dis. Fatima Ouda Pépin, qui est l'ex-députée libérale, là, vous pourrez en témoigner. Et nous, on n'a rien de ça. Nous, aucune on monitore surveillance, pas ce qui rien. Se passe là. Il faut comprendre que l'islam, c'est une religion complexe dans le sens où... Il n'y a pas de chef unique. C'est ça. Ce n'est pas l'Église catholique. Il n'y a pas de pape, il n'y a pas de Vatican. Ouais. À peu près n'importe qui peut s'improviser puis commencer à prêcher les valeurs du Coran. Deuxièmement, c'est une religion qui, contrairement aux juifs, aux bouddhistes ou aux chrétiens, veut dominer le monde. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. Donc, c'est une religion qui considère les autres comme des mécréants et qui veut dominer la planète. Donc, elle a des ambitions qui sont claires. Et il y a des gens qui appliquent à la lettre ce qui est dans le Coran. Et quand on parle de charia, quand on parle des lois islamiques, j'invite, je sais bien que c'est pas une lecture très sexy, lire le Coran, là. Je veux pas imposer ça à tous les auditeurs. Sauf que je veux juste que vous compreniez que le Coran, contrairement à d'autres, en fait, ça l'est un peu la Bible, mais ça n'a rien à voir. C'est presque un texte de loi. Moi, qui ai travaillé à l'Assemblée nationale, là, quand je lisais le Coran, je trouvais que ça ressemblait pas mal plus à un projet de loi qu'à la Bible. Parce qu'on va dire, par exemple, une femme devant le tribunal, ben, ça n'en prendrait deux pour égaler l'homme. On nous explique comment diviser l'héritage quand tu as des gars puis des filles c'est comme enfants. C'est très précis oui. dans la vie. Mais remarque que, j'aime la comparaison, mais tu sais, dans la Bible, quand tu disais l'appliquer à la lettre, là, quelqu'un qui prend l'Ancien Testament... puis qui décide d'appliquer ça à la lettre, là. Oui, on est pas c'est violent, c'est violent pas à peu près, là. Il y a des histoires là-dedans. Mais aujourd'hui, on en fait une lecture beaucoup plus ouverte et moderne. Moi, je pense qu'il y a des musulmans qui sont capables de faire une lecture plus moderne et plus ouverte du Coran. Ils peuvent être culturellement ou socialement musulmans sans nécessairement être des fanatiques religieux. Exact. Effectivement. Mais il faut comprendre que malgré ça, là, je continue à garder mes réserves. Le Coran va quand même un peu plus loin que la Bible, même si tu l'appliques, là, même l'Ancien Testament, si tu l'appliques à la lettre, c'est pas écrit qu'il faut battre sa femme dans la Bible. Dans le Coran, là, tu sais, il y a une gradation quand ta femme est désobéissante qui peut aller jusqu'à la frapper. Il y a la condamnation de l'homosexualité n'est pas aussi claire dans la Bible qu'elle peut l'être dans le Coran. La discrimination homme-femme ou la voix c'est de la radical. Femme. C'est radical. C'est beaucoup ce que plus je radical. C'est plus. C'est sûr qu'on n'est pas là pour donner des leçons parce que nous-mêmes, au Québec, là, si on regarde, 100 ans, c'est rien dans l'histoire d'un peuple, encore moins dans l'histoire de l'humanité. T'as bien raison. Puis on a avancé, on a progressé très rapidement sur ces enjeux-là. On n'a pas besoin de remonter à l'Inquisition espagnole pour voir la religion catholique qui a eu des dérives également, puis qui a eu ici même au Québec, absolument, l'époque où les curés étaient rois et maîtres. Il y a quelques décennies. Partout, là. Du racisme, il y en avait ici. Puis il y a seulement quelques décennies. Fait que c'est très, très récent chez nous. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est comment est-ce compatible les valeurs religieuses, particulièrement celles de l'islam, dans un régime démocratique comme le nôtre? Je pense que tu as soulevé un peu la question plus tôt aujourd'hui. Où on croit à la liberté d'expression, mais jusqu'où ça va, ça? Puis est-ce qu'ils vont utiliser nos armes puis nos chartes? Parce qu'on l'a vu, là, je nommerai pas le nom des ressortissants, mais il y a des terroristes à Montréal, il y a des islamistes qui ont été arrêtés, et quand ils sont arrivés devant les tribunaux, nos policiers n'ont pas pu présenter la preuve pour toutes sortes de... parce qu'ils utilisent la charte, ils utilisent comment ils ont ramassé les données, comment... Mais pourtant, c'était des gens qui complotaient, qui voulaient organiser des attentats terroristes, et ces gens-là sont menottés. Je reviens encore à l'exemple du Maroc. Quand il est arrivé des attentats, j'étais là, à un moment donné, il y a eu des attentats au Maroc de groupes terroristes. Je peux vous dire que le ministère de l'Intérieur, là, qui est comme l'espèce de ministre de la Sécurité publique ici, a pas niaisé avec ça, là. Les emprisonnements préventifs, je peux dire qu'à peu près tout ce qui gravitait auprès des organisations religieuses radicales, ils sont tous ramassés en dedans sans aucune question, là. Donc, ils ont une force d'intervention pour mater ces forces-là qu'ici, on pourrait même pas penser faire ça. On soupçonne des gens, on a même de la preuve contre eux, puis on n'est même pas capable de les emprisonner puis de les traîner devant les tribunaux. Et pendant ce temps-là, t'as un Bernard Drainville qui veut mettre dehors un juif qui veut aller travailler au gouvernement avec son petit chapeau ou encore une petite affaire de madame avec sa croix dans le cou. Drainville en croisade, alors qu'on devrait tellement s'attaquer aux intégristes et sacrer la paix à ceux qui sont habillés, je le reconnais, des fois, de façon un peu dérangeante. Tu sais, il y a des femmes, des fois, voilées, tout ça, même si moi, je tolère, j'accepte ça. Le premier coup d'œil, là, peut être frappant un peu, mais comme je le dis, il y a des gens avec des tatous et des piercings dans les comptoirs, dans les épiceries, les restaurants, des fois, moi... ben ouais. Mais là, il faut se parler un peu, là. C'est ça, la tolérance, en autant que tu ne peux pas rien m'imposer, puis envahir le pays, puis faire un changement de valeur. Puis il faut comprendre qu'au Québec, c'est un problème qu'on va avoir de façon beaucoup plus accentuée que n'importe où ailleurs sur le continent. Pourquoi le Québec est la porte d'entrée? Parce qu'on veut des francophones seulement. Veut des francophones, parce que 40% de nos immigrants viennent soit pays maghrébins, ou carrément, ils ont transité par la France ou par d'autres pays, mais c'est quand même des gens d'origine musulmane. Donc, on a, par nos politiques d'immigration, favorisé l'accueil de ces communautés-là. C'est une communauté qui a plus de difficultés que n'importe quelle autre au Québec présentement à s'intégrer. Hein? Puis ça n'a rien à voir avec les attentats terroristes qui viennent d'avoir lieu, parce que ça doit être encore pire aujourd'hui. Mais même après 5 ans, on remarque que le corps de ces gens-là sont toujours pas trouvés de travail. Quand quelqu'un vient ici pour améliorer son sort, celui de ses enfants, puis qu'il ne retrouve pas ce qu'il recherchait... Il est un candidat à la radicalisation. Surtout que c'est une immigration qui est un échec, et pour le pays d'accueil, et pour l'immigrant qui est arrivé ici. Non, mais on n'a pas le droit de remettre en question l'immigration, tu le sais. Non, mais l'immigration... T'es raciste. Non, si tu parles d'immigration au Québec, t'es tout de suite un raciste. Mais quand tu veux de l'immigration, là, pour que l'immigration passe autant au niveau des mentalités de la population, qu'elle soit une réussite économique pour le pays d'accueil et qu'elle soit une réussite personnelle pour l'immigrant qui s'en vient ici, ça passe par le travail et l'intégration sur le marché de l'emploi, bien plus que la langue que tu vas parler. Les Latino-Américains qui arrivent ici, après 3 mois, ils apprennent notre langue parce qu'ils travaillent puis finissent par se débrouiller. Puis on rend une langue qui est assez similaire à la nôtre. Puis en plus, ils remplissent nos églises que nous autres, on a vidées. Donc, on n'a pas le problème religieux avec eux. Au contraire, ils bouchent un trou. Mais il faut repenser, je pense, les politiques d'immigration au Québec. Et c'est pas juste une question de nombre d'immigrants, mais c'est des critères de sélection. Si aujourd'hui, on vit des difficultés peut-être plus accentuées qu'ailleurs sur le continent nord-américain, mais il va falloir un moment donné se regarder dans le miroir, parce qu'on a un gros mea culpa à faire à ce niveau-là. Une société qui demande à intégrer et accueillir des immigrants qui partagent ses valeurs est-elle une société raciste? Non. Hein? Absolument pas. C'est ça. C'est de l'intégration. On dirait qu'on a de la misère à affirmer ça, puis à dire à telle catégorie de gens, regarde, ça... Puis une société qui ghettoise les minorités, est-ce que ça serait un échec? Moi, je pense que oui. Bien plus. Oui. L'intégration, c'est un succès. J'aime ça. Ghettoiser. Mais c'est ça qu'on fait. En France, pire qu'ici. En France, évidemment, ils ont le problème accentué, mais ils ont 20 ans d'avance sur nous, mais je ferai remarquer que la courbe québécoise, elle est très similaire à celle de la France. Donc, ce qui se passe en France, c'est juste une question de temps avant qu'on les rattrape. C'est peut-être juste notre futur. Parce qu'on a exactement le même profil d'immigration, puis on a les mêmes politiques que la France à ce niveau-là. Fait qu'il faudrait s'attendre aux mêmes résultats dans quelques années. Merci, Eric. On t'écoute ce midi.